étions loin de voir la fin si proche, accoudé au comptoir du bar. Mais voilà, si ce n'est pas réciproque, on te montrera du doigt. Vu qu'on est bon qu'à juger, jauger ou se baser sur l'étiquette. Passionné de musique, suivant la suite ne rendra squelettique. On voit la fin si proche, on s'en doute pas quand on est petit. On n'a qu'une vie, faut en prendre soin. Je ne pense pas que dans mes titres ça va si vite. Bien sûr, tout le monde le pense, mais peu de gens le disent. Les saisons passent, le soleil brille, les gosses des potes grandissent. Les trolls deviennent ados et se mettent ados la mifa. Y'a mille façons de voir ce qui est mi vrai ou mi falche. Les premiers bisous, la voix qui mue en pleine ébullition. Les coups de foudre, les coups de blues, les coups tout court, les punitions. Tu te mets à manier la langue, celle de la séduction. Puis la daronne s'est gosie en disant y'en a assez du son. Bon pour sortir, et loin de vouloir apprendre ta leçon. On te fait croire que ton avenir sera le fruit de ton orientation. Y'a deux catégories à chaque année lycée. Les gars avec yangolerie et ceux qu'on a jamais laissés. Loin d'être stressé, on veut de l'alcool, des fêtes, des filles. Un vrai défi, de pas être loin de celui qui fait les filles. Y'a ceux qui ont le patron derrière, et ceux devant leur feuille de cours. Y'a ceux pas trop déter, pétard et père qui se foutent de tout. Les gars chez père, les meufs qui abusent. On a du lent des cons, des vergons. Écarte les jambes quand elles ont bu. C'est grave, les gars dalle se rabattent sur les cadavres. S'accapare les lieux, rabat, abandonnés par l'âge. Les années passent, l'amour prend forme, et tous les liens tissés se déchirent. La nostalgie des photos de classe renforce et accentue le désir de construire, de bâtir, de sceller leur avenir. La lueur se meurt, de le déceler mais pas le dire. Y'a ceux qui, malgré les épreuves, s'en sort. Regarde-les quand la magie au père s'en sort. La perle rare, c'est papa que l'enfant l'appellera. Quelques années plus tard, tout marche, d'où la joie d'un frère pas. Un vrai repas autour d'une table avec la mif, puis tout recommence. C'est le cercle vicieux de la vie. En écoutant, on passe de la vie à la mort. Au fil du temps, je retrouve l'équilibre. En écoutant, on passe de la vie à la mort. On fuit les gens afin de se sentir libre. En écoutant, on passe de la vie à la mort. Au fil du temps, je retrouve l'équilibre. On passe de la vie à l'amour. On fuit les gens afin de se sentir libre. La mort est proche, ici on apprend juste à faire avec. La vie t'écorche, mais tu tises, t'oublies, tu fais la fête en vrai. T'aimerais dire je t'aime aux proches, même si t'oses pas, la vie t'effraie. L'espérance t'amoche quand il faut se battre. On n'a pas assez profité des êtres partis bien trop tôt. On perd le sourire de voir les souvenirs figés en photo. Une âme fragile, blessée, quand un décès s'annonce. Notre heure viendra, chacun de nous doit garder sa montre. Un sale monde, je te parle de genre de nouvelles qui nous enterrent. Ceux qui ont plus la force, les amis proches qui se foutent en l'air. Choc brutal, accident, mort, violent. C'est devenu limite banal, un décès de plus encore. Au volant. On est plus fort à deux, mais depuis l'envol, le couple bat l'aile. On bat même depuis qu'on se met à parler de haine. Les parents divorcent, rares sont ceux qui restent ensemble. Le quotidien se dégrade ensemble, loin de vouloir aller dans le sens. Retour au point zéro, y'a que le vent qui nettoie les vides. La solitude se fait sentir, la boîte aux lettres est vide. Puis vient la crise de la quarantaine. L'alcool devient son fils, il aime son fils. Entre parenthèses, son chien, le seul ami qui lui reste fidèle. Les journées d'isolement lui blanchissent l'épiderme. Devenir grand-père, voir les années passer comme des heures. Une joie fanée, aucun plaisir à partager quand on est seul. Face à soi-même, à regarder les aiguilles tourner, rempli d'écreurs, et dans le malheur se mettre à sombrer. Paradoxal, chaque pas qui fait le rapproche du bûcher, à trop picher. Les douleurs colossales viennent de le faire trébucher. Il perd mémoire, tact et puis repère, dans l'appart vidé de ses cadres et ses affaires. Le regard triste, il est malade et malentendant. Arrive au bout de la piste figé dans ses souvenirs d'antan. La cloche résonne, le cortège funeste s'éloigne. La vie n'est qu'un schéma, un rêve, une poussière d'étoiles. Un passage obligé, une empreinte laissera des traces. C'est un message du cœur quand ce dernier lui s'arrêtera. En écoutant, on passe de la vie à l'amour. Au fil du temps, je retrouve l'équilibre. En écoutant, on passe de la vie à l'amour. On fuit les gens afin de se sentir libre. En écoutant, on passe de la vie à l'amour. Au fil du temps, je retrouve l'équilibre. En écoutant, on passe de la vie à l'amour. On fuit les gens afin de se sentir libre. En écoutant, au fil du temps. En écoutant, on fuit les gens afin de se sentir libre. En écoutant, on passe de la vie à l'amour. Au fil du temps, retrouver l'équilibre. En écoutant, on passe de la vie à l'amour. On fuit les gens afin de se sentir libre.